un rêve d'évasion. La nuit m'a emmené là-bas, vers les tropiques, dans une fuite ailée aux senteurs de cannelle, plein de bougainvilliers, s'envolant vers le ciel, et dix langues épicées au ton mélancolique. J'ai rêvé goulûment d'abandons exotiques, au bord de l'océan, sous des manguiers en fleurs, couchés nonchalamment dans la moite chaleur, candide, j'espérais des transports impudiques. Une cabane en bois tout au bord du rivage offrait sous le soleil un heureux coin d'ombrage où l'on se régalait de langoustes grillées et, parfumées au rhum, d'étranges coquillages. Étendue sur le sol recouvert de paillage, loin, aussi loin alors des vies sacrifiées.